dansant sur cette femme en linceul. Encore, il écrit des bouteilles couleur claire comme ses yeux. Avec des amis merveilles, il en a pour un dieu. Sa musique en sorcelle, ce balai de molécules n'atteint pas la pucelle qui a viré à vue. Il va dire ses sons sous le nom du menteur. Titule une chanson autour de cette amance. Le cancer qui écrit seul dans sa cabine. Sous ses poumons écrit l'histoire de sa trombine. Dans ses rêveries avec une encre noire, se parent de drapier pour ne pas se faire voir. Quand le cancer réclame la lâcheté qui l'assaille, il ne reçoit les femmes que des rires qui le raillent. Donnant la raison, le qui pour un autre qui l'aime. Et puis se retourne lui vers son âme qui se dame. Le cancer il est seul. Le cancer il est seul. Le cancer il est seul. Le cancer il est seul. Solitude, le corset militaire seul. Comme toujours, la disuitude, l'enveloppe de son seul. C'est de la corset un flot intérêt. Mais lui, il est pieds beaux, même son cerveau s'intime. Il n'est pas vraiment beau, c'est fier. Un corset, il n'attend plus que l'eau lui rentre dans les artères. La porte n'est pas vierge, il laisse en chemin. En allumant un cierge, une idée lui survient. Pour qu'il le termine son livre d'Albas. Sa musique de théâtre a relu durant mes roues. Le corsaire est bien seul. Le corsaire est bien seul. Le corsaire est bien seul. Le corsaire est bien seul. Pour parler de solitude. Pour parler de solitude. Pour parler de solitude. Pour parler de solitude. Pour parler de solitude. Le corsaire est bien seul. Comme toujours la 18e.